suis sur le terrain, la routine, un polo spas, je le sers, un monospace, griffe et des appels de far speed. Un art nommé au parfum que les stars traînent. On a l'essence développée, l'or est pointu comme dans Star Trek. Une nouvelle paire Sartec, le genre de mec que l'état stresse du stupéfiant dans la basket. Masqué sous la menace du genre art, sans la meharchie, la république c'est la nouvelle monarchie. Oh, faites un peu moins de bruit ici, c'est quoi ce bordel là? Les gars, vous êtes pas en création, c'est garde à vue, ok? Bon, si ça continue comme ça, moi je change de cellulaire, je vous calme direct. Je t'explique pour le dollar, sort faire le billet vert. Donc après la transa, je me rétis du terre-terre. Grec sans fric, je suis je dois retourner au taf. Casse tête, j'entends les sirènes, je vois débouler les stars. Cours, lâche mon grec au sol, celui qui bloque, je l'assomme. À bout de souffle dans les ruelles, je suis confronté à mon sort. S'organise un plan de bâtard pour arrêter ce noir qui est moi jusqu'à la fin. Pour m'avoir, tu es moi, obstiné, innocent, l'arrestation pend au bout du nez. C'est le goût du riz, les surinés. Ce serait une bonne idée, la seconde qui a suivi. J'ai signé en GA. Ils m'ont pété pour tube, dis-moi pourquoi toi t'es hal. Donné par un pote, une taupe en galère. Lui donner du taf, mon seul erreur, le temps c'est de l'argent. Donc la bicrave et l'or, mon compte les bicraves. Donc son estime, avec BRB, je torpille le 6. Mon j'assistera, c'est la perquise, plus de 6 tâches flics. Sur mon cher, mon étage authentique, le comico. Fifi, jamais eu peur triste. Pour la famille, femme, famille infâme qui sillonnera mon seuil suivant la perquise. Bon, tu as envie. De caisse pour une histoire de chèque. Je crois que c'est du terrorisme ou quoi? Ah, j'imagine le bordel que la rose est en câble. Tous en mode gilet pare-balles, la folie. Les, en plus, c'est bâtard quand ils trouvent des sous, ils les mettent dans les poches, tu vois. Après la défaite, check escroquerie, banque et ventre, instinct, crime et animal. J'brûle les bandes, les 6-11, j'assistera. Échec et mat, pense mon mat là. Ici j'mate la vie différemment, j'viens d'où les coupables, tant qu'il pleuve, j'viens d'où tes coupables sont une preuve. 9-2, j'ai la lucarne, un fleuve, unicide, peu calme, le mal j'incarne, que Dieu me pardonne. Dès la sortie, j'attame un crime hors norme, c'est aigre à Rome pour synonyme hors d'homme. Bon, y'en a un qui va me suivre là. Monsieur Fedas, tu vas venir avec moi, on va procéder à ta déposition, ok? Bon, je t'explique, dans la déposition, tu seras encadré par deux officiers, donc tu fais pas le malin, tu restes tranquille et tout se passera bien. Ton nom Fedas, a.k.a. Nautilus. Ton adresse 9-2, Luanière, Clichy. Ok, maintenant tu notes ta profession. Microphone, meurtrier, la foule, la faire crier. Commercial, terrain, au fond, prier, client, grand compte. Ok, tu travailles depuis quand? Oui, toujours, je taffe, dur, cru, 35 heures en 3 jours, c'est l'industrie. Mais attends, tu me prends vraiment pour un con quoi là? Je dois dire la vérité tout de suite, ok? Baisser d'un ton, je suis contre vos tirs qui sombrent dans la paranoïa, la folie, je taffe. À mon compte, depuis 5 août, y'a pas l'ombre d'un doute. Mais oui, c'est ça, tu travailles. Et c'est avec ton travail de smicard que tu vas te payer des bijoux comme ça. Cette bagnole flambant neuve, ok? Le plasma 107 cm, vas-y, t'as oublié en 2005. Plusieurs passions d'identité, 2006, faux usage de faux, ok? T'as un récidiviste, mon gars! Alors t'arrêtes de me prendre pour des cons parce que toi le ballon là, toi la prison, ouais, qui t'attend présent là. Toi présent, passé, passé, si t'es défait, passé. On a un sacré dossier sur toi, t'as un bon CV. Okay, arrête de parler, c'est toi qui en train d'être repoussonné, c'est moi ou c'est toi? Alors tu calmes, ok?